Et attention, j'ai pas tendu la corde, c'était pourtant simple, j'ai la solution. Faut rester tout seul, cloîtré dans sa maison, pas regarder les filles qui bougent ma friole. Pour me consoler, il reste la console des moments passés, avec ma solitude, avec les années, j'en aurai l'habitude. Mais y'a toi et ton regard de feu, ton petit corps qui m'en met plein les yeux, tes jouflettes qu'on mord à pleines dents. Toi, pâquerette, tu me manques souvent. Je m'écarte un peu de mes objectifs, ma tête est sereine, mais mon cœur est actif. S'il y a qu'une méthode pour savoir sa leçon, j'ai raté mon code, j'ai pas été très bon. Mais y'a toi et ton regard de feu, ton petit corps qui m'en met plein les yeux, tes jouflettes qu'on mord à pleines dents. Toi, pâquerette, tu me manques souvent. À présent c'est sûr, je reste sur ma ligne de vie et de conduite, je le dis et je signe. J'ai jamais su faire tout ce que j'ai dit, y'a que les promesses, et ça c'est pour la vie. Mais y'a toi et ton regard de feu, ton petit corps qui m'en met plein les yeux, tes jouflettes qu'on mord à pleines dents. Toi, pâquerette, tu me manques souvent. Toi et ton regard de feu, ton petit corps qui m'en met plein les yeux, tes jouflettes font mort à pleines dents. Toi, pâquerette, tu me manques souvent.